Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Julien Lamy. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast de 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la Nef. C'est une banque éthique coopérative et grâce à l'épargne qu'elle collecte, la Nef, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Donc elle est 100% transparente et moi elle me permet d'interviewer plein de projets qui participent aux 2030 Glorieuses. Donc moi je suis fier d'être soutenu par la Nef. Soyez aussi fier d'être chez la Nef et ouvrez un livret. En plus, il y a plein de choses qui vont annoncer cette année, donc c'est assez enthousiasmant de voir ce qui se trame chez la Nef cette année. Voilà, ça c'est dit. Moi, je suis heureux aujourd'hui de te donner la parole, Julien. Toi, tu as l'initiative des Capitalistes Anonymes. C'est un groupe de parole partout en France pour aider celles et ceux qui ont besoin à faire face aux crises bioclimatiques. Ensemble, nous parlerons d'addiction, de sobriété, de liens. Tu as plein d'autres casquettes, mais j'aimerais là, aujourd'hui, pendant cette conversation, que tu gardes cette casquette sur la tête des Capitalistes Anonymes, si tu le veux bien. Et à la fois, je vais te poser cette première question sur laquelle tu vas pouvoir un peu, d'ailleurs, répondre ce que tu veux. Mais c'est la question porte d'entrée signature du podcast 2030 Glorieuse. Tu as un événement, arrive des inconnus, et la question fatidique tombe. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds en général, Julien? Eh bien, en général, je réponds que je suis fundraiser. Donc, je collecte des dons pour des associations afin qu'elles puissent mener leurs projets globalement. Je collecte des dons auprès des entreprises, je collecte des dons auprès des particuliers. Je suis celui qui gère les campagnes des courriers que vous pouvez recevoir dans vos boîtes aux lettres en fin d'année. Enfin, voilà, tu vois le profil, et je suis aussi fondateur des Capitalistes Anonymes. Voilà, de belle manière de me présenter. Moi, avec les 2030 Glorieuses, chaque saison, j'essaye de creuser vraiment le pourquoi, le à quoi tu contribues. Là, tu viens de me dire un peu le comment. Mais finalement, ces manières d'occuper ta journée, et en l'occurrence, en plus d'obtenir un salaire, elles contribuent à quelque chose. Je dis toujours que c'est le monde actuel qui est décroissant de plein de choses, de liens, de sens, d'espérance de vie en bonne santé. La liste pourrait durer toute la durée de l'épisode. Et qu'en fait, on a besoin de présenter les croissances qui nous attendent dans 2030 Glorieuses. Si on devait le dire comme ça, et que tu devais te représenter en parlant des nouvelles croissances, tu dirais que tu contribues à quoi comme croissance grâce à tes activités? Eh ben, je dirais que je contribue à la croissance des associations pour qu'elles puissent mettre en œuvre des projets de plus en plus larges. Et donc, du coup, à travers cette croissance des associations, je contribue à la croissance des liens qu'il peut y avoir entre les causes, des liens qu'il peut y avoir pour les causes, pour qu'on les défende dans un monde où certaines causes peuvent ne pas être défendues. En fonction des associations avec lesquelles je travaille, je peux travailler la croissance du soin, je peux travailler la croissance de l'éducation dans le monde. C'est ça qui est génial avec le métier de fundraiser, entre guillemets, c'est que j'arrive à toucher à de nombreuses thématiques et qui ont toutes besoin d'argent, et ça me permet de creuser dans ces sujets-là. Et avec les capitalistes anonymes, je participe beaucoup à la croissance du lien local entre des personnes qui mettent en place une démarche de sobriété dans leur vie, dans un monde qui nous pousse vers toujours plus. Tu sais, j'ai l'habitude de dire, c'est comme si on demandait à un alcoolique d'arrêter de boire alors qu'il vit dans un bar. Ben voilà, moi, j'essaye de créer du lien avec des personnes qui en ont besoin à un niveau local pour pouvoir s'exprimer ensemble. Et j'espère qu'avec la multiplication des groupes de parole dans le temps, je vais aussi pouvoir créer de la résilience face aux crises, mais ça peut-être qu'on va en parler un peu plus tard. Ouais, restons sur cette idée vraiment des capitalistes anonymes, parce que ça me parle beaucoup ces dernières années où j'ai œuvré à cette sensibilisation, cette prise de conscience sur les sujets écologiques, mais pas que. On m'a souvent renvoyé à quel point, quand on avait son éveil, quand on avait sa prise de conscience, on pouvait très vite se sentir seul, seul face à ses peurs, seul face à cette énormité, et puis seul aussi dans son million, dans son milieu, dans sa communauté, avec des gens autour de nous dont on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience de ces enjeux et avec lesquels on n'arrive pas à parler, à se connecter. Et donc cette solitude, elle m'a souvent frappé, elle m'a souvent marqué et elle m'est souvent renvoyée comme un obstacle, parfois insurmontable, pour vraiment se mettre à la hauteur des enjeux individuellement, mais en fait surtout collectivement. Et avec les capitalistes anonymes, la réponse, c'est le collectif. Dis-moi d'où ça t'est venu, cette idée, et pourquoi en fait on a besoin des autres pour justement se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle que vous vous adressez frontalement avec les capitalistes anonymes, s'il te plaît. Eh bien, en fait, je me suis posé une question en fait, je me suis posé une question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde sait et personne ne fait rien quand on parle de transition écologique ou environnementale? Alors, quand je dis personne ne fait rien, il y a plein de gens qui font, mais en tout cas, pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite et plus loin? Et j'ai trouvé une réponse dans la définition de l'addiction. Addiction, c'est consommation de quelque chose pour son plaisir, en dépit des connaissances parfaites, des conséquences négatives que ça peut avoir sur soi ou son environnement. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'au-delà de la sensibilisation, justement, il faudrait avoir une approche de rétablissement, voire de soin de la population pour la sortir d'une forme d'addiction qu'elle aurait à tous les biens, plaisirs, loisirs, services et même aux idées que colporte le système capitaliste dans lequel on vit. Et donc j'ai creusé, je suis allé voir quels étaient les acteurs qui agissaient dans la lutte contre les addictions. Et j'ai découvert les alcooliques anonymes. Et les alcooliques anonymes, ils mettent en place une méthode qui existe depuis 90 ans. Il y a 2 millions de personnes qui sont passées par cette méthode et qui s'appelle les 12 étapes. Et ces 12 étapes, je les ai transposées de la sobriété alcoolique à la sobriété écologique. En les réécrivant, je suis passé de 12 à 8 étapes. Je trouvais qu'il y en avait qui allaient bien ensemble, donc j'en ai fait qu'une seule étape. Et c'était bien beau, j'avais de la théorie, ça avait l'air sexy sur le papier, mais il fallait que je passe à l'action. Et donc j'ai créé un groupe de parole près de chez moi pour justement tester ces étapes. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi. J'ai trouvé une salle, j'ai cherché des participants, je me suis exposé dans la rue avec des flyers, j'étais là, réchauffement climatique, sobriété, un nouveau groupe de parole à Issy-les-Moulineaux. Et ça a fait venir du monde. Le nom capitaliste anonyme aussi a amené quand même pas mal de curieux. Et à la première réunion, on était 12. Et aujourd'hui, on est à la 60e réunion et il y en a qui sont venus 60 fois. Et donc, c'est là où je te dis que on crée du lien local. Et c'est important parce que sa sobriété, on la vit aussi dans son environnement géographique, politique, commun. C'est beaucoup plus difficile de parler de sobriété, pardon, avec quelqu'un qui partage pas forcément ton quotidien géographique, politique, social. Vous allez pouvoir en parler, hein, et vous allez d'ailleurs pouvoir aborder différentes choses, mais l'écoute sera entre guillemets moins forte parce qu'il n'y aura pas ce partage local. Et en étant localement, on peut parler aussi pratiquement de ce qu'on met en place. Je vais dans tel magasin, la personne à qui je l'exprime, elle connaît ce magasin, elle sait comment je fais moi au quotidien pour prendre tel bus, tel trajet, mon vélo, la difficulté que je peux avoir à monter la côte à vélo. Elle partage ça avec moi parce qu'elle connaît cette côte à vélo, tu vois, elle connaît les restaurants végétariens que je fréquente, et on partage des choses fortes à un niveau local, et donc on crée de la solidarité aussi entre nous, parce qu'en dehors du groupe, eh ben, on va pouvoir se retrouver, et à terme, on crée de la résilience, je pense, face à des potentielles crises qu'il peut y avoir demain, parce qu'ensemble, on est plus fort. Voilà, ça c'est... La question va peut-être te paraître bête, Julien, mais moi j'imagine assez bien comment on peut être addict, c'est ce mot que tu utilisais. Bah, là tu parlais d'alcool, on peut parler d'addiction à la cigarette, d'addiction au sexe. C'est des concepts qui reviennent dans les médias, les débats, les livres assez fréquemment. Mais comment on peut être addict au capitalisme? Déjà, dire qu'on est addict à un système économique, c'est quand même déjà une digression assez forte. En revanche, on peut être addict, ce que je disais en intro, c'est à tous les biens faciles à avoir, toutes les idées aussi qui nous sont données depuis qu'on est tout petit, tous les services que nous offre ce système, tous les loisirs aussi qu'il nous offre. Et donc, c'est cette combinaison de choses qui fait que j'ai choisi de mettre capitaliste anonyme. Il y en a qui pourraient me dire on est les consommateurs anonymes, mais je trouve que ça va au-delà. Ça va au-delà de consommateurs anonymes. On n'est pas que des consommateurs, on est aussi dans un monde où l'individualisme est prôné, reconnu. On est dans un monde où la croissance sociale est aussi très très valorisée. Et mine de rien, on baigne dedans, et moi le premier depuis que je suis tout petit, c'est il faut que tu fasses des grandes études pour monter dans la chaîne de ce système presque. Et donc, c'est là-dessus où le système est tellement fort autour de nous qu'il nous accroche et qu'il arrive à nous rendre addicts, et ce qui fait que c'est très difficile d'en sortir, déjà parce qu'il est partout. Même quand, et là je sais que c'est un des points qui peut être reproché entre guillemets au capitalisme anonyme, c'est ce côté écolo-bourgeois. Tu vois, le côté, et peut-être qu'on peut en reparler après dans un deuxième temps, mais c'est une vraie question, quand la sobriété est subie, comment est-ce qu'on peut malgré tout échanger ensemble alors qu'elle n'est pas choisie comme quelqu'un qui a les moyens et qui peut derrière... faire ce qu'il a envie. Donc ça, c'est un vrai sujet que j'ai envie de creuser énormément avec les capitalistes anonymes. J'ai pas encore de réponse, mais je trouverais ça intéressant qu'on puisse en parler plus, même en dehors de ce podcast, Julien. Voilà, je me suis un peu perdu, je crois, j'ai un peu digressé, mais... Non, non, mais restons là-dessus parce que donc les gens, on imagine bien qu'ils viennent, tu dis même parfois jusqu'à 60 fois d'affilée. Et justement, on remplit ces questions, en tout cas, on se sert de cette curiosité, de ces doutes, de cette envie de progresser pour créer du lien. C'est ce que tu disais, que toi, tu milites pour une croissance des liens. Ça se fait pas n'importe comment, ça se fait quand même avec beaucoup de bienveillance, de non-jugement. Est-ce que ce serait pas à ça, en fait, la croissance un peu secrète à laquelle tu contribues, celle du pardon, celle de la bienveillance, un sentiment que bon bah tous et toutes, on est imparfait et qu'on accepte cette imperfection comme moteur de notre transformation individuelle et collective? Exactement. D'ailleurs, si tu veux que on peut faire un tour par toutes les étapes, mais la première étape, c'est admettre sa participation à un système capitaliste qui détruit la planète et le vivant. Et donc, on est vraiment sur cette question d'admettre. Et en fait, c'est le côté, tu sais, comme les alcooliques le disent en groupe, je suis alcoolique en intro. Bah, nous, on pourrait dire, je suis capitaliste. Alors, on ne le fait pas forcément, mais en tout cas, c'est reconnaître que quoi qu'on fasse, en fait, on participe et on en fait partie. Et là-dessus, effectivement, on s'unit tous. On participe à tous les niveaux. Et ça c'est ultra important. Et la deuxième étape, et d'ailleurs, on parle souvent, on fait une réunion, une étape. Les étapes, elles servent à aller chercher des émotions, à aller chercher de la parole autour de toutes les dimensions. Qu'il peut y avoir autour de la sobriété, admettre sa participation, mais aussi croître en connaissance, et tu demandais la croissance qu'on peut faire, mais quand on rentre dans la sobriété et qu'on commence à aller comprendre des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques, qu'on va creuser des lectures, on est dans une croissance intellectuelle de nous-mêmes qui est jubilatoire. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai appris des choses que sans cette démarche de sobriété, j'aurais même pas effleuré ces choses-là dans ma vie. Je serais resté dans un quotidien où métro, boulot, dodo. Ça, c'est extrêmement fort et c'est l'idée de la deuxième étape. Avec ses limites de quand on va trop chercher d'informations, qu'est-ce que ça peut nous faire aussi en termes d'informations anxiogènes et tout ça, et on va parler de tout ça. La troisième étape, c'est toutes ces informations, toute cette parole scientifique qu'on peut recevoir, elle va générer des émotions en nous, que ce soit de la colère face à l'inaction de nos politiques ou à notre propre inaction passée, que ce soit de l'impuissance face à l'ampleur des catastrophes, que ce soit de la peur de demain. Et donc on va parler de toutes ces émotions-là pendant cette troisième étape. Et on va voir comment est-ce qu'on peut réussir à les transformer en moteurs de changement pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut les accepter, comment on peut les utiliser comme force pour avancer et pour éventuellement aussi être un moteur pour la société dans laquelle on vit. La quatrième étape, c'est l'étape où on va faire une introspection de nous-mêmes, cadrée pour identifier les choses qu'on fait de bien et les choses qu'on fait entre guillemets de pas bien pour notre démarche de sobriété et pourquoi est-ce qu'on maintient certaines habitudes aujourd'hui. Et ça, c'est une étape qui est très difficile parce que c'est s'avouer à soi-même des fautes et se dire oui, je dis n'importe quoi, je mange de la viande à tous les repas alors que je sais fondamentalement que c'est pas bien, mais juste je peux pas m'en empêcher, c'est une habitude qui est ancrée en moi, mais au moins je l'ai dit. Et pourquoi je le fais? Souvent, c'est par gourmandise. Et ça, pourquoi je vais voyager en Grèce en avion tous les ans, alors que je sais que les conséquences, ça peut être des incendies dévastateurs pour le pays que j'aime tant? Eh ben, c'est presque de l'égoïsme de ma part. Et donc là, on va placer des mots durs sur soi-même qui sont utiles finalement pour réussir à sortir de ces habitudes et on va lister des solutions, comme se réinventer des voyages, se réinventer un nouveau mode d'alimentation qui va rester ultra positif, où on va y trouver du plaisir, et ça c'est extrêmement important, et on va mettre en place ces solutions dans la cinquième étape. Je me permets de t'interrompre, Julien, parce que je t'entends parler et moi je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces conversations que j'ai déjà eues où très très vite, pour pas dire immédiatement, on tombe dans le piège de dire bah attends, en fait, toi regarde ce que tu fais, toi tu manges de la viande, toi tu prends de la viande, et puis en fait on fait la comparaison du pire et on a l'impression que parce que l'autre fait pire, que finalement bah nous on fait moins pire et c'est pas si mal que ça. Et on pourrait très vite tomber dans ce piège-là avec les conversations des capitalistes anonymes. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient avec ses clés de son gros SUV BMW et qui vient justement de prendre l'avion pour partir en week-end, on pourrait en fait passer son temps à dire bah, regarde toi à quel point c'est grave ce que tu fais. Moi finalement, mon seul problème c'est, je dis n'importe quoi, d'être que végétarien et de manger du fromage. Donc bah, bouge-toi toi et puis on verra ensuite moi comment je pourrais me mettre à m'améliorer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans vos cercles de parole. Clairement, ça c'est ce qui pourrait se passer dans un échange entre amis ou un échange de comptoir. Dans un groupe de parole, il y a un cadre, effectivement, qui est posé. C'est un cadre qui utilise bah, les codes du groupe de parole, c'est quelque chose qui existe, et de la communication non violente de manière très basique. Je sais que la communication non violente, on peut la pousser très très loin, mais c'est l'écoute attentive et bienveillante de ce que dit l'autre et aussi de la manière dont ça résonne en nous. Je te donne un exemple. Quelqu'un est en train de parler de sa problématique. L'idée de l'écoute attentive et bienveillante, c'est qu'on n'est pas en train de préparer le fusil à pompe pour pouvoir lui répondre « Ouais, mais toi, tu devrais plutôt faire ça. » Voilà. Et donc ça, c'est la règle. C'est une des règles, une des trois règles de base où c'est interdit dans le cercle. Pour supporter cette règle, il y a une deuxième règle, c'est l'utilisation du pronom personnel je pour s'exprimer. On dit parler en son je, l'idée étant de s'approprier tout le temps ses propos. On ne peut pas dire des banalités du type on voit bien que les gens continuent tous à acheter dans les supermarchés. Ce que je devrais plutôt dire, c'est je vois bien que je continue à aller dans les supermarchés. Ah ben non, en fait, je ne le fais pas. Bah donc ça sert à rien que je parle de ça. Parce que je vais renvoyer plein de jugements sur les autres qui, ça se trouve, ne vont pas dans les supermarchés non plus, alors que j'aurais pu dire, je suis triste, de voir mes amis qui continuent à aller dans les supermarchés. Et là, je m'approprie mes propos, mais ce n'est pas une généralité, c'est quelque chose qui m'est personnel. Et face à ça, face à quelque chose qu'on s'approprie, en fait, il ne peut pas y avoir ce côté, mais tu devrais plutôt faire ça. On va comprendre la difficulté qu'a la personne parce qu'elle a envie d'être dans une démarche de sobriété. C'est la seule condition pour pouvoir participer à un groupe, avoir envie de mettre en place une démarche de sobriété. Et donc, on va avoir des personnes en face de nous qui sont bienveillantes, attentives, qui utilisent le jeu, qui parlent d'elles-mêmes et qui viennent chercher aussi des choses pour elles, à la fois dans la parole et aussi dans l'écoute de ce qui se passe chez les autres. Et pour citer l'exemple d'Issy les Moulineaux, il y a entre guillemets tous les niveaux de sobriété dans le groupe. Il va y avoir des gens qui se chauffent pas, qui prennent plus l'avion, qui mangent plus de viande, qui vont vraiment être très très très très sobres, et d'autres qui sont entre guillemets sobres débutants, mais qui veulent progresser, qui n'arrivent pas à franchir certaines étapes, et on en parle, et c'est OK, tu vois. Et c'est ça la force aussi du groupe, c'est que bah, si je me projette il y a 10 ans, moi je prenais l'avion, je mangeais de la viande à tous les repas, et juste, bah, j'ai fait mon chemin. Et chacun peut faire son chemin aussi. L'important, c'est qu'il soit écouté et soutenu dans sa démarche de sobriété. Bon bah tu vois, après 20 minutes de discussion ensemble, moi j'étais assez persuadé que tu participais à la croissance de l'écoute, mais je sais plus en fait si tu participais à la croissance de l'écoute ou à la croissance du non-jugement, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on en a terriblement besoin parce que à chaque fois que tu cites un exemple, moi je me rappelle tous ces moments où effectivement on est en train d'écouter l'autre et on, justement on l'écoute pas, on est déjà en train de préparer son argument pour accabler, pour culpabiliser et pour surtout se déresponsabiliser. J'ai l'impression que notre époque, elle dit ça en ce moment, on sait plus s'écouter, on passe son temps à dire à qui la faute, mais surtout pas à nous. Et vous, avec les capitalistes anonymes, j'ai l'impression que vous avez trouvé un truc pour justement recréer du dialogue, remettre tout le monde autour de la table et montrer que c'est collectif, quel que soit son niveau d'éveil et son niveau d'action sur ces sujets, qui sont collectifs ou qui ne seront pas en réalité. Oui, alors je ne sais pas si on a trouvé un truc, mais parce que c'est le groupe de parole, la communication non violente, ça existe depuis longtemps, mais en tout cas, on utilise ces outils au service de la sobriété à un niveau local. Et ça, tu le soulignes très justement, c'est extrêmement important dans nos sociétés où on se rencontre de plus en plus virtuellement et on perd du lien de manière assez forte. Est-ce que tu souhaites que je continue sur les dernières étapes ou c'était trop long? Non, non, Julien, en fait, j'ai envie surtout de t'entendre en 2030 glorieuse. À moins que toi, il te semble que dans la description que tu as faite des capitalistes anonymes, il manque quelque chose de crucial, de fondamental pour que tout le monde, toutes celles et ceux qui nous écoutent, comprennent bien la portée de votre démarche. Mais si ça, si tu me dis oui, il faut absolument que je te dise ça. On y va, et sinon on fait le petit passage lecture qui est une étape clé avant le voyage en 2030 glorieuse, et ensuite tu me racontes à quoi ressemble le lien, l'écoute en 2030 glorieuse. C'est toi qui décide, allez, je te donne les clés de l'émission. Non, le point important, c'est que il faut aussi comprendre que une des étapes, et c'est la septième étape, c'est de passer de l'action individuelle à l'action collective, parce que ça, je sais que c'est extrêmement important, et je ne voudrais pas que les auditeurs se disent, mais les capitalistes anonymes, c'est un truc où on vient parler d'éco-gestes, et on va quand même bien au-delà des éco-gestes très très souvent. Et on parle de tout ce qui va être justice sociale, de toute la dimension collective, politique, sociale qui est extrêmement importante. Et c'est tout l'idée de la septième étape et des capitalistes anonymes. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire le point sur ça. Merci de l'avoir fait, c'était effectivement primordial que tu le dises comme ça. Julien, on va faire ce voyage en 2030 glorieuse. Avant, je l'ai dit, il y a une bulle d'inspiration qui nous est proposée par l'invité, parce que je suis persuadé, moi, que dans tous les livres qui nous entourent, il y a déjà un tas de fenêtres vers les 2030 glorieuses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Qu'est-ce que tu viens de nous proposer, toi? Bah, je voudrais vous proposer l'extrait d'un texte d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Alain Damasio, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Furtifs. Et donc là, ça parle de liens. Les Furtifs, c'est un père qui part à la quête de sa fille qui a disparu. Et c'est une aventure incroyable dans un monde un peu futuriste, un peu science-fiction, mais en même temps qui nous, enfin, qui m'a parlé en tout cas d'une manière extrêmement forte. Je l'ai lu en plus, je venais d'être papa. Je le recommande à tout le monde qui pourrait vouloir le lire, il est incroyable. Il me semble, mais je re-regarderai dans les archives, il me semble que le texte des Furtifs a déjà été proposé et c'est fort à propos parce que effectivement il y a plein de choses inspirantes dedans, mais en tout cas je trouve quand même assez marrant que deux Julien parlent de liens et que pour parler et pour illustrer ces liens, tu choisisses un livre, un extrait d'un livre qui aurait été écrit par Alien Damasio. On va lui proposer de se renommer Alien, je pense que ça lui irait bien. Et il adore en plus les jeux de mots, donc je pense qu'il serait très content. Allez Julien, on t'écoute. Une puissance de vie, c'est le nombre de liaisons qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans se porter atteinte. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Dans cette optique, vivre revient à accroître notre capacité à être affecté, donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému, qui s'oppose d'ailleurs point par point à la surstimulation et à l'économie de l'attention dont l'anneau est porteur. L'anneau n'affecte pas, il nous infecte. Il pollue notre disponibilité. Il encrasse ses filtres subtils sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui nous enchaînent, qui nous aliènent. Contracter une sensation, contempler, habiter, ce sont des liens élus. Subir des stimulus incessants, par contre, suscite ce stress qui nous détruit. Nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre, qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité, selon moi, à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ouvert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile, qui discrimine donc, écarte et appelle selon. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté, passionnément, qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme que de choses plus étranges comme une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise, côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer un cri, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige. Il n'est qu'une seule vraie révolte au fond. C'est contre les parties mortes en cours, cette mort active de nos perceptions saturées, nos pensées qu'on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif. Les furtifs portent en eux et nous portent à nous, comme un cadeau caché dont le ruban est à défaire, cette double révolution possible. Celle des liens horizontaux, à tisser sans cesse hors de nous, et celle des liens verticaux, à intensifier en nous, avec nos ascendances animales. Ce n'est pas l'un ou l'autre, l'un après l'autre, c'est tout ensemble une vitale insurrection, collective et intime, pour porter au point de fusion nos puissances, et en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime. C'est un alliage, et c'est une alliance. Être moi, celui qui brûle, que celle qui bruisse. Entrer par effraction, dans le rouge ouvert, s'y tenir, fragilement, pouvoir entrer dans la couleur. Lecture. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit passage d'Alain Damasio dans les 2030 Glorieuses. Justement, les 2030 Glorieuses, ça y est, on y va ensemble. C'est quelque chose qui va se passer dans nos deux esprits, dans nos deux cerveaux, dans notre conversation. Et donc, il va falloir que ce qu'on va partager soit le plus clair, le plus concret possible, le plus coloré, le plus texturé pour que les personnes qui nous écoutent et qui, elles, malheureusement, sont restées en 2025, ça semble bien loin, réussissent à se le figurer le mieux possible. C'est cette époque, ce temps, cette ère des 2030 glorieuses. Bien sûr, tout ce qu'on va dire ne t'engage à rien, Julien, donc tu peux te permettre de prendre des risques et de jouer avec ce concept. On t'en tiendra pas compte si jamais ça ne se passe pas à la lettre comme tu l'avais décrit dans notre interview, dans notre échange. Mais il va falloir quand même que tu le décrètes et que tu en parles au présent. Et donc, on va aller, et à toi de le dire, en 2032, 2037, j'en sais rien, et on en parlera au présent, et quand on utilisera le futur, on sera encore plus loin et on évitera d'utiliser le conditionnel. Ça te va? Ça me va très bien. Et ma première question, c'est, bah, imagine que ça y est, toi, tu y es en 2030 glorieuse, tu as dû sentir sous ta chaise une secousse au moment où tu lisais. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas par quelle fenêtre tu peux regarder, mais qu'est-ce que tu y vois, toi, en 2030 glorieuse? Je vois par ma fenêtre des personnes qui vont à un groupe de parole que j'anime dans 3 minutes en descendant les marches de mon immeuble et qui sont le symbole de tout ce que j'ai pu réaliser depuis tout ce temps, depuis le temps où on avait commencé à échanger tout à l'heure. Et ce symbole, c'est finalement qu'il existe dans toutes les villes de France des groupes de parole pour soutenir tous ceux qui en ont eu besoin et qui aujourd'hui reviennent parce qu'ils ont créé du lien et que ça les aide à se maintenir dans une sobriété heureuse qu'ils ont tous choisie. Et ça me fait du bien, là, d'être à mon balcon et de voir ça, de voir que cette croissance du lien, elle a pu advenir aujourd'hui. Justement, quelle place au lien dans nos vies en 2030 glorieuses? Comment ils prennent forme? Comment ils sont reconnus? Comment ils sont valorisés ces liens dans nos vies au quotidien? Là, tu parles au futur, non? Comment ils sont là en ce moment? En 2030 glorieuses, non, quelle place ils ont et comment on les reconnaît? Comment on les marque? Comment on les valide? On les, je sais pas. Et ben, ce qui est incroyable, c'est justement cette reconnexion à l'instant qui nous permet, nous, aujourd'hui, de ne plus se projeter dans une journée type comme c'était avant. Aujourd'hui, on a la possibilité de sortir, de croiser nos confrères qui sont proches de nous et qu'on connaît profondément, alors qu'avant, on croisait des inconnus à qui peut-être on disait bonjour, mais là, on a réussi finalement à briser cette étrangeté. Au sens du terme qu'ils étaient étrangers. Et ça devient des personnes qu'on connaît. Donc on a réussi à faire que la société vienne, enfin, qu'on soit des gens qui se connaissons beaucoup mieux tous, mais qu'on se connaît profondément finalement. Pas du tout en superficialité comme c'était le cas Et avant. d'ailleurs, il n'est pas rare aujourd'hui de voir, que ce soit chez soi, individuellement ou dans son quartier, dans l'espace d'affichage public, des cartes de liens. Et tu sais, ces endroits où on affiche, voilà, nos bobines, nos trombines, et que on les lie à d'autres personnes, et de montrer cette gratitude chaque jour en se disant, bah tiens, j'ai connecté avec un tel pour telle raison, et puis tiens, je me suis relié avec un tel pour telle autre raison, et de se rendre compte à quel point c'est ça la richesse qui fait nos journées. À l'époque, tu te souviens peut-être, la richesse, elle se mesurait en euros, en pourcentage de PIB. Aujourd'hui, la richesse individuellement et collectivement, ça se fait dans les organisations comme les associations, les coopératives, elle se calcule aussi beaucoup en fonction des liens. On lui a donné une vraie valeur à ce collectif et à tout ce qu'il crée comme connexion, comme entraide, comme partage, comme apprentissage mutuel. Clairement, et c'est une excellente chose. Je vais avoir du mal à rebondir, mais T'inquiète, on n'est pas obligé de rebondir à chaque fois. mais je trouve ça incroyable justement de pouvoir visualiser aussi les liens que se font les autres, parce qu'on ne va pas quand même connaître tout le monde. Mais de savoir qu'il existe aussi d'autres cercles qui s'unissent avec quelques réunions mensuelles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as participé à la dernière où les différents cercles finalement se retrouvent pour encore créer du lien, mais entre des cercles un peu plus éloignés. Je trouve ça bien que ça a été institutionnalisé et que chacun puisse avoir le temps pour participer à ça. Depuis que du coup les temps de travail ont été aménagés justement pour créer ces moments de lien. Ça, c'était il y a 3 ans avec la loi Lamy qui est passée et c'était une loi incroyable. C'est vrai que toi, Julien Lamy, maintenant que j'y pense, t'as tout pour travailler dans le lien, quoi qu'il arrive. En fait, t'étais prédestiné à faire ça. Et donc, tu me parles de la loi Lamy. Effectivement, elle a été hyper importante, cette loi. Est-ce que c'est elle qui a constitué vraiment ce moment de bascule, cet avant et cet après? On dit qu'on a cranté enfin vers cette société du lien. Est-ce qu'il y a eu un autre point de rupture que tu voulais nous partager des dernières années où on s'est rendu compte qu'on ne pourrait plus jamais faire pareil? Mais moi, je me souviens du moment où il y a eu des groupes de parole qui ont commencé à exister dans toutes les villes de France et que, en même temps, malheureusement, on a subi une crise de sobriété, un peu comme le Covid avait pu le faire encore avant, qui est venu imposer la sobriété à tout le monde. Et le fait d'avoir créé ces groupes de parole, en fait, je m'en rappelle, ça a été un peu un coussin amortisseur pour l'ensemble de la population qui a pu, du coup, vivre cette sobriété subie avec d'autres qui étaient déjà préparés. Et ça a été un moment très très fort pour moi, d'autant plus que, tu sais, cette approche de l'addiction que j'avais réussi à faire passer finalement dans l'opinion publique, eh ben, elle a aidé à souder les gens, que ce soit les écolos et les non-écolos. Je donnais l'exemple à l'époque de Jean-Michel SUV qui part 7 fois par an en Thaïlande. Bah, c'était simplement le plus addict d'entre nous. Et de la même manière qu'un alcoolique aiderait toujours un autre alcoolique à s'en sortir, et bah, à ce moment-là, les groupes de parole ont aidé tout le monde à s'en sortir. Ça a été extrêmement marquant parce que on a réussi à éviter cette fracture sociale. En plus de la crise de sobriété, et je pense que c'est cette solidarité qu'on avait réussi à créer qui a fait qu'on a réussi à s'en sortir, à passer au-delà de cette crise, et qu'aujourd'hui on est en 2030 glorieuse et qu'on a des liens qui sont incroyables. Tu te rappelles ce moment où, du coup, effectivement, sobriété subie, on se rendait compte qu'on créait du vide, mais c'était un vide qui faisait pas plaisir parce qu'il était mal raconté. On se disait, mais tout ce qu'on perd, tout ce qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on aurait pu avoir, mais qu'on n'aura finalement jamais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce vide, ben, on pouvait le remplir de plein d'autres manières. Moi, je sais qu'un élément de bascule qui m'a semblé à la fois tout bête, mais définitif aussi, c'était ce moment où, dans la classe de mes enfants, ils ont mis en place, tu sais, ces carnets, un peu comme on les avait peut-être nous à l'époque, je ne sais pas si tu l'as fait quand tu étais plus petit, Julien, mais où on avait, ah mince, le nom m'échappe là maintenant, tu vas m'aider, des Carnet de vignettes. correspondance. Non, tu sais, des vignettes de joueurs de foot ou de joueurs de basket et qu'on collait comme ça des visages par équipe. Comment ça Oui, s'appelait déjà? c'était les cartes sandwich, non? Ah non, Ouais, il y avait les cartes les cartes panini. Panini. Ouais. Les cartes sandwich. Les cartes Panini, exactement. Et donc, on avait comme ça ces grands cahiers qu'on remplissait de visages. Et en fait, bah voilà, des maîtresses ont commencé à dire, mais regardez la valeur que vous avez dans vos vies. Et collez-y les visages de toutes les personnes qui enrichissent vos vies. Et moi, je me rappelle mon fils qui se baladait comme ça avec son petit Polaroid et qui prenait en photo toutes les personnes qui enrichissent, qui embellissent, qui le nourrissent au quotidien et remplissait son cahier en racontant pourquoi il imitait une nouvelle personne et quand est-ce qu'il interagissait avec elle et pourquoi cette personne le rendait plus heureux. Et de cette initiative à l'époque, qui était juste dans quelques écoles, on en est passé à ce qui aujourd'hui se fait presque de manière un peu obligatoire, ou en tout cas vraiment heureuses et enthousiastes un peu partout, et on a tous notre carnet comme ça de visages qu'on prend en photo et qu'on remplit et qui montrent à quel point nos vies sont, elles, bien remplies à l'image de ces carnets. Ouais, c'était incroyable cette époque-là. Mes enfants m'en parlent encore. Ouais, franchement, je me rappelle qu'il y avait plein de manières un peu brillantes, un peu. Oh là là, on les a bien décorées, ces carnets, c'était assez chouette. Et si bien qu'aujourd'hui, on mesure la réussite de nos vies, la santé de nos relations, de nos quartiers, complètement différemment. Moi, je pense par exemple à ce nouvel indice-là qui a été mis en place, tu sais, par le gouvernement et l'Institut Santé pour tous et pour toutes, et qui amène les gens à mesurer le nombre de bonjours sincères qu'ils prononcent en une journée pour voir s'ils sont justement connectés et en nombre suffisant. Ça dépend de l'âge, ça dépend des quartiers, ça dépend de plein de choses sur le nombre de bonjours recommandés. Mais ça, c'est quelque chose un peu comme à l'époque où on mesurait nos pas, aujourd'hui on mesure les bonjours. Est-ce que tu as d'autres croissances ou est-ce que tu veux peut-être rebondir là-dessus? Ça, c'était au tout début, puisque maintenant, ça va bien au-delà du bonjour. C'est vraiment les temps de parole profonds qu'on passe, les temps où on arrive justement à être dans le sensible plutôt que dans le sensé. Et ça a été vraiment quelque chose de fort quand ça réussit à passer. Et clairement, l'éducation de nos enfants, il a fait beaucoup, beaucoup. Ça a été plus difficile, je me rappelle, avec les anciens qui restaient accrochés un peu à ce monde, mais ils y sont venus avec la croissance des liens de la famille, ou quand finalement on s'est aussi beaucoup rapproché de nos anciens. Moi, je me rappelle, mon père est venu habiter chez nous à un moment parce que on s'est dit il faut qu'on recrée ce lien qui est extrêmement important. Et je crois que c'est devenu mondial. Enfin, cet éloignement familial qui peut exister aujourd'hui beaucoup, il n'existe plus. Et c'est beau de voir ça. On a grandi dans nos liens familiaux aussi grâce à ces mesures de cet institut dont je ne me rappelle plus le nom, mais que tu maîtrises très bien. Tu te rends compte que, en fait, on nous promettait le grand remplacement et finalement, c'est le grand rapprochement qui a eu lieu. Incroyable, ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le parti en tête, c'est le rapprochement national, hein. Ça fait partie de ces nouveaux partis qui créent des conversations fertiles et qui amènent les gens à se rapprocher d'eux-mêmes, à se rapprocher des autres. Et forcément, c'est des croissances qu'on a envie de mesurer. Ouais, le rapprochement national. Il a des initiales qui sont quand même pas cool, mais Qu'il a voulu assumer et il a bien fait, tu ouais. vois. Je trouve que de laisser comme ça plein de choses au passé, c'était parfois un peu ouais, de l'abandon et il me semble qu'on méritait mieux. Et là, le rapprochement national, international, territorial, local, puisqu'il y a plein de branches, bien sûr, ça fait un bien fou. Et tu sais ce qui m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est ça, et je te parle de ça parce que ça m'a marqué. Je rencontre quelqu'un dans la rue que j'avais pas vu depuis longtemps et il me dit alors, bonjour, salut, comment vas-tu? Et puis moi, je lui réponds vraiment, alors en ce moment, ça va, ça prend longtemps. Et puis il me dit, mais non, mais tu sais, je te posais la question comme ça, de manière un peu automatique. Et j'avais oublié qu'à un moment dans nos vies, on posait la question du comment ça va, de manière automatique, sans attendre une réponse. Aujourd'hui, quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui demande déjà assez rarement comment il va. On lui demande, salut, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Salut, qu'est-ce qui t'a fait rire ou sourire ou pleurer ces dernières 24 heures? On a plein de questions comme ça qui permettent de dépasser un peu l'automatisme, mais ça m'a montré aussi à quel point on avait évolué sur comme tu le disais, la relation profonde à l'autre. Ouais, les questions à caractère fatigue, qui n'attendent pas forcément de réponse, n'existent plus. Donc là, j'en ai profité pour placer un mot incroyable que je ne connaissais pas avant, mais effectivement, ça n'existe plus. C'est la défaquisation de nos propos. Et c'est assez incroyable. Et puis la richesse aussi qu'on a réussi à retrouver dans le lien autour de la cuisine, avec maintenant, je vois mon fils à l'époque, il avait 4 ans, mais tu sais, il a commencé à faire des cours de cuisine, à s'approprier ça, et on a recréé du lien, nous, à la maison. Grâce à ça, c'est assez incroyable. C'était une croissance on va dire gustative, c'était une croissance parentale, une croissance familiale. Et ça nous aide, nous, aujourd'hui, à trouver des moments qui sont forts autour de ça. On cuisine ensemble, on rigole ensemble, on explore ensemble des nouvelles recettes, ou on teste même des recettes, on écrit des recettes qu'on partage avec d'autres. C'est quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Enfin, on était plus sur de la consommation. Oui, il y en avait un qui cuisinait, mais bon, voilà, c'était des trucs beaucoup plus automatiques. Et là, cette croissance, elle a été incroyable. Et je me souviens aussi d'un truc fort, c'est la croissance du lien avec la nature qu'on a réussi à. Attends, alors avant que tu parles là-dessus, avant que tu partes là-dessus, Julien, parce que tu me parles de cuisine là, et tout de suite, moi, ça me donne envie de te partager ça, parce que la sobriété étant celle qu'elle est en 2030 glorieuse, l'énergie a beaucoup plus de valeur, et moi, je trouve ça génial aujourd'hui que dès qu'on fait tourner la plaque de cuisson ou le four, on ne se limite plus à en faire que pour chez soi. Et donc moi, par exemple, qui a un levain qui a plusieurs années maintenant et qui adore faire du pain, des brioche, ce genre de choses, je sais que quand j'en fais pour plein de gens, parce que mon four est rempli jusqu'au maximum. Et donc, en fait, on a tous un peu dans le quartier nos spécialités qui font que quand on se croise, on se dit, ah bah tiens, je t'ai ramené le pain, ah bah tiens, je t'ai ramené la confiture, ah bah tiens. Et ça aussi, ça participe comme ça à faire en sorte qu'on se nourrisse grâce à l'autre. Et là, c'est des fois au figuré, mais là, c'est carrément au propre. Voilà, allez, je te redonne la parole sur le côté nature que tu voulais nous partager. Et Julien. bah dans le côté nature qui rejoint avec la cuisine, tu sais, moi j'avais instauré dans notre immeuble qu'on se répartisse certaines tâches. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est ultra efficace. On est tous rodés, même avec les nouveaux locataires qui arrivent. Moi, je prépare des jeunes pousses tout au long de l'année sur mon balcon. Et dès qu'elles sont prêtes, hop, je les fais monter dans les étages. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui ont des champignons qui poussent dans leur salle de bain et ils les redescendent à d'autres. On est vraiment sur un commun partagé autour de l'alimentation. Je me rappelle quand il y a eu les premiers grillons qui sont nés, c'était un événement. Aujourd'hui, on se les partage pour pouvoir avoir des protéines. Ou même celui qui est au dernier étage et qui fait les mouches soldats noirs pour pouvoir voilà, manger tous les excréments qu'il y a dans nos toilettes, parce qu'heureusement, on a abandonné le fait d'avoir de l'eau dans nos toilettes, pour avoir des toilettes sèches partout. Ça a été une vraie révolution quand même. Et c'est aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai soulagement de pu faire mes besoins dans de l'eau potable. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on crée du lien aussi dans cet immeuble en construisant des communs et en partageant des communs tous ensemble. Et ça a été un vrai changement. Et on utilise de la low-tech pour ça, très peu d'énergie. Effectivement, on partage l'énergie comme tu le disais. Et ça c'est fort, et ça crée finalement ce lien avec la nature dont je voulais parler, parce que moi je remets les mains dans la terre, d'autres y recréent du lien avec des animaux qu'ils doivent élever, dont ils doivent prendre soin. Et ça a évité finalement d'arriver au pire de la sixième extinction de masse qui nous était promise, même si on a perdu beaucoup d'espèces. Et bah, grâce à ce nouvel attachement qu'on a réussi à créer à l'époque avec le vivant, et bah, on s'en est rapproché, et on a pu de nouveau le faire croître. Et encore une fois, ça, c'est une croissance qu'on a réussi à créer tous ensemble. Grâce à nos liens avec le vivant, on a fait recroître le vivant. Et ça, c'était magnifique à l'époque. Il y a même une fête nationale qui a été créée, je crois. Bien sûr, comment tu l'appelles déjà? Je l'ai oublié, tiens. Tu sais, c'était l'armistice du vivant. Voilà, c'était ça. Ah oui, c'est ça. Il va vraiment falloir que j'invite un jour Damasio pour qu'il nous sorte comme ça C'est tous quand ces jeux de mots des 2030 c'est glorieuses. le jour où on a déposé les armes face au vivant et qu'on a recommencé à Exactement. voilà. Exactement. L'armistice, hein, même, hein, il me semble que c'était ça. C'était l'armistice, tout à fait. Julien, l'ami, qu'est-ce qu'il fait, Julien, l'ami, en 2030 glorieuse? Et ben, C'est quoi, toi, ton quotidien en 2030 glorieuse? Raconte. écoute, mon quotidien, je continue à faire du lien. Je vis avec ma famille et mes enfants à une vie de croissance d'amour, une vie de croissance d'aventure, une vie de tout un tas de croissances humaines, sensibles. Et je me suis mis, même si je suis un très mauvais artiste, mais à de l'art d'une certaine manière, parce que j'en ai plus le temps maintenant que le temps de travail a été diminué. J'arrive toujours à soutenir des associations qui en ont toujours besoin, mine de rien, soit par du temps bénévole, soit pour aller chercher aussi quand même des fonds pour elles. Je m'assure que tout ce qu'on a réussi à créer se maintienne dans le temps. Parce que de la même manière qu'une démarche de sobriété, ça demande des efforts pour être mise en place, une fois qu'elle est là, ça demande des efforts aussi pour perdurer. Et comme les alcooliques anonymes le disent, être sobre, c'est jour après jour. Et c'est pas, on peut pas se promettre qu'on sera sobre pour les 15 prochaines années. C'est aujourd'hui, je suis sobre, et demain, on verra. Et quand on est demain, là, on dit, je serai sobre aussi. Et on mène cette démarche de sobriété jour après jour parce que c'est super dur d'être sobre. Là, en 2030 Glorieuse, on a réussi à être sobre collectivement, à créer du lien. Mais il faut quand même qu'on reste des gardiens de cette sobriété sur le long terme. Julien, cette fin a été extraordinaire et à la fois j'ai quand même envie de te poser cette dernière question, donc je vais te la poser, tant pis. Tu t'es pas obligé d'être à la hauteur de ta dernière réponse qui était vraiment, vraiment, vraiment très profonde. Moi là, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont voyagé avec nous dans ces 2030 glorieuses du lien que elles nous attendent, elles nous tendent les bras, ces 2030 glorieuses, et tu as peut-être toi d'ailleurs une idée de la prochaine action à mettre en place dès la fin de cet épisode pour la faire advenir, cette version des 2030 glorieuses qu'on a partagée ensemble. Par quoi ils continuent, les gens qui viennent de nous écouter là? Eh bien, créons de la solidarité locale, rapprochez-vous, ouvrez un groupe de parole près de chez vous pour en parler. C'est ultra simple. C'est peut-être l'instant promo du truc, mais en fait, faites-le. Parce que, et d'ailleurs, appelez-le autrement que les capitalistes anonymes si vous le voulez, si vous pensez que c'est compliqué comme terme. Mais en fait, créez un groupe de parole, créez du lien avec d'autres pour se rapprocher, pour se renforcer. Pour s'aider aussi personnellement dans notre démarche de sobriété, c'est vraiment pas évident. Et ça fait du bien et ça nous enrichit à la fois personnellement, ça nous enrichit collectivement. Voilà. Ouais, peut-être aussi embrayer, maintenant que le mot me revient, sur cette notion d'album. Voilà, tu vois, je cherchais mes cartes Panini de tout à l'heure, la notion d'album, un album photo en fait, où on montrerait comme ça, on valoriserait les liens de notre quotidien. Ça, je me dis que ça peut être aussi une démarche super intéressante à faire avec nos enfants ou tout seul d'ailleurs. Ça peut être une belle démarche de reconnaissance aussi de toute la richesse qu'on a dans nos vies et que parfois, parce qu'on ne la calcule pas, on ne la montre pas, eh ben en fait, on s'en rend pas compte comme on devrait s'en rendre compte, parce que c'est ça qui fait que on est heureux, c'est ça qui fait que on se lève aussi le matin, c'est la recherche de l'autre. Et je pense que peut-être le caractériser un peu plus, ça peut être un bel exercice. Clairement. Bah, let's go, Julien. Vas-y, on raccroche, on fait ça. Merci pour cet échange, Julien. Je te dis à très vite. Merci. À bientôt. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe,